travail, la terre, des mains mon frère, assure-toi, de meilleurs lendemains, donne le meilleur de toi-même, mais écoute ton cœur, ton corps et ton âme domineront l'état d'esprit dans lequel ce monde demeure. Vis par l'amour et ton âme vaincra la mort. Garde confiance, petit, reste en accord avec tes convictions profondes, refais le monde. Ne te laisse pas abattre comme une victime qui succombe au vice qui l'entoure, qui l'attire un peu plus chaque jour. Reste droit, ça le vaut mieux comme ça. Lâche-toi, lâche-moi, de lui, pour on s'en bat. Qui vivra, verra, celui qui vit mais ne voit pas. À l'ouest, rien de nouveau, la mode est au mégalo. Maniaque, psychotique et psychopathe qui se tire dans les pattes. Ça shoot, à tout va, donc l'âme du monde s'affaiblit. Ne t'inquiète pas, tant qu'il y a de l'amour, il y a de la vie. Écoute, l'humanité pleure. De tout son corps, son âme meurtre se meurt. Récolte ce que tu sais. Cultive l'amour et vaincu la haine. Saute, mon ami, garde la tête haute et crie plus fort, montre que t'es des nôtres. Joue avec tes instincts, Lucifer. Apprends ce qu'il y a de meilleur en nous. Pour te baiser, il te fera la cour. Va, fuis et bute les vautours. Pars à la conquête d'aventures et d'histoires. Sourire à la vie ou meurs un peu plus chaque jour. De ma haine a coulé des cris, les chaînes de l'encre d'un bateau naufragé. J'ai eu beau clamer que Dieu est un cancre, je suis là, un cancre là, écrasé par une vie que je ne contrôlais pas. J'ai vite appris le maniement d'une arme contre les larmes. J'ai vite compris ce sentiment qui part de mon âme, peint en noir. L'espoir, l'espoir, l'espoir, ah, ah. L'espoir, l'espoir, l'espoir. Wow. Tu te disais que la vie ne t'aimait pas. Moi j'ai préféré plutôt la voir comme un combat. Affronte le mal quand y'en a deux qui se font la mal. Use de ton an, c'est pas des cabales comme un cheval. Sur la route de l'espoir, y'a que des couleurs et pas de noir. Sur la route de l'espoir, le bonheur se fait voir. Pas d'autres parenthèses avec ou sans pèse. Les bonhommes qui pèsent, suis les voix qui pèsent. Malheur et malaise qui vivent sans père, molle dièse. Eh bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Oh DJ, tu fais quoi? Tu cut le son comme ça? T'as pas capté, j'ai écrit un refrain. Un refrain, c'est deux fois minimum. Allez, on y retourne. Allez hop, go. Pardon. Écoute, l'humanité pleure. De tout son corps, son âme meurtrie se meurt. Récolte ce que tu sais. Cultive l'amour et vaincu la haine. Saute, mon ami, garde la tête haute et crie plus fort, montre que t'es des nôtres. Joue avec tes instincts, Lucifer. Apprends ce qu'il y a de meilleur en nous. Pour te baiser, il te fera la cour. Va, fuis, évite les vautours. Pars à la conquête d'aventures et d'histoires. Sourire à la vie ou meurs un peu plus chaque jour. Bon bah voilà. Allez, ciao.